Donc, on est présentement avec Judith Dextraz-Mona, candidate au doctorat en psychologie communautaire à l'UQAM et aussi animatrice de l'art de la playlist. Allô! Salut Judith, ça va bien? Ça va bien toi? Merci de me recevoir. Très bien. Ah, ça fait plaisir. Merci d'avoir répondu à l'appel. Ça fait plaisir aussi. Tu t'es dit, hey, si tu veux que quelqu'un te parle de la psychologie communautaire, tu sais, fais-moi signe. Moi, j'ai dit, moi, je sais absolument pas c'est quoi la psychologie communautaire. Fait que déjà là, je suis intéressé. Je savais pas que ça existait. Mais pas ça a l'air intéressant. je te confirme que t'es vraiment pas le seul. Et j'ai envie de te dire, mais ben, des psychologues qui savent pas c'est quoi la psychologie communautaire, puis c'est correct, là. Mais je peux t'en parler un peu. C'est sûr que c'est une sous-discipline, la psychologie. La psychologie communautaire, dans le fond, c'est une sous-discipline de la psychologie qui va s'intéresser principalement au développement des individus dans leur communauté. Donc, en quoi ça se distingue de la psychologie sociale, là, qui est comme comment l'individu fonctionne dans un groupe, comment les groupes fonctionnent entre eux. La psychologie communautaire, c'est vraiment de savoir comment ton environnement va t'affecter au niveau de ton bien-être, de ta santé mentale. Donc, ton environnement, ça inclut la communauté dans laquelle tu grandis, le quartier dans lequel tu vis, la société dans laquelle tu vis, les règles de cette société-là. Donc, c'est vraiment large. Puis, dans le fond, en psychologie communautaire, on va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est promotion de la santé puis prévention des problèmes de santé mentale plutôt que sur le traitement de psychopathologie individuelle. Fait que ça veut dire que plutôt que de s'intéresser à comment traiter une dépression, on va plutôt essayer de regarder comment est-ce qu'on peut agir sur les facteurs qui causent la dépression dans l'environnement des gens. Fait que c'est une discipline qui s'intéresse un peu à la structure des choses. Oui. Définitivement, la structure des choses qui sont autour de nous puis qui vont influencer, dans le fond, notre santé mentale, physique, notre bien-être en général. Puis, je te dirais que l'autre particularité vraiment spécifique à la psychologie communautaire, c'est que c'est une discipline qui est très engagée. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent dans des processus pour devenir psychologue communautaire, c'est vraiment des personnes qui souhaitent, ils vont changer les choses dans la société. Ça peut être de réduire les inégalités sociales de santé, ou promouvoir le pouvoir d'agir de personnes qui sont limitées à ce niveau-là en ce moment dans la société. Donc, il y a le côté un petit peu pelleté-nuage aussi là, qui nous distingue de d'autres scientifiques, de d'autres psychologues aussi. Est-ce que c'est un domaine qui est récent? Est-ce que c'est jeune? Ça date des années 60-70. On peut dire que pour une science, c'est assez récent. Ça a été inspiré notamment des mouvements féministes, des mouvements d'éducation populaire en Amérique centrale, Amérique du Sud également. C'est assez récent. Je te dirais qu'au Québec, le psychologue communautaire que les gens connaissent le plus, c'est Camille Bouchard, qui est à l'origine des CPE à travers son projet « Un Québec fou de ses enfants ». Camille Bouchard qui finit par faire le saut en politique, ce qui n'est pas nécessairement ce que tous les psychologues communautaires font, là, c'est même plutôt marginal, je dirais. Là, généralement, on essaie de travailler avec les décideurs plutôt que d'essayer d'en devenir un nous-mêmes. Mais ça a été son choix à lui pour pouvoir réaliser ce projet-là. Oui, c'est ça. Camille Bouchard, je pense que c'est la figure en psychologie communautaire qui est probablement la plus connue au Québec. Puis les CPE, c'était vraiment une mesure qui... C'est une mesure qui, à la base, visait à réduire les inégalités de santé vécues par les enfants, puis aussi bien promouvoir, dans le fond, une égalité des sexes en permettant aux femmes de retourner sur le marché du travail grâce à des services de garde éducatifs abordables. Donc ça, c'est vraiment comme typique d'une mission, je dirais, en psychocom. On peut-tu parler des CPE juste comme quelques minutes, parce que c'est un sujet intéressant. Je me pose la question, est-ce que c'était basé sur des études ou c'était justement un genre de comme pelletage de nuages? Puis est-ce qu'on a des données finalement genre pour comme parler du succès de cette affaire-là ou le contraire? Bien, c'est super intéressant. C'est sûr que à la base, je vais faire un petit disclaimer. Là, je suis pas une spécialiste de cette question-là du tout. Moi, je m'intéresse à la petite enfance, mais pas exactement dans tout ce qui est service éducatif. Mais tu sais, mettons, de ce que j'en sais, et je vais vraiment me baser sur ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu aussi par mes collègues qui travaillent plus sur le sujet. Mais l'objectif des CPE, c'est ça. C'était vraiment de fournir un environnement éducatif, des services de garde éducatifs aux enfants, parce que ce qu'on voyait avant la création des CPE, c'est que il y avait des enfants qui grandissaient dans des milieux qui étaient beaucoup plus stimulants, où est-ce qu'il y avait accès à une bonne alimentation, à, dans le fond, une forme d'éducation, que ce soit par les parents ou par des milieux éducatifs de qualité. Puis il y avait d'autres enfants qui, parce que les parents avaient moins de revenus, des fois, tu sais, c'est des enfants qui, mettons, allaient pas dans un service de garde, étaient gardés, mettons, par des personnes qui étaient moins qualifiées pour répondre à leurs besoins, pour les éduquer, ou des mères qui pouvaient pas retourner au travail après avoir eu leur enfant, donc qui étaient comme forcées à travailler en ayant des enfants, tu sais, travailler nuit, garder ton enfant de jour, fait que t'es moins disponible. Donc l'enfant, il est moins stimulé, donc au niveau du développement, c'est moins avantageux, donc ça crée des inégalités plus tard. Donc, l'idée, c'était vraiment de fournir un service de garde éducatif aux enfants, particulièrement aux enfants qui n'en avaient pas accès à ce moment-là. Parce que, bon, il faut se rappeler qu'il y avait quand même des garderies, là, ça existait avant les CPE. Les CPE, ça date juste des années 90. Mais l'enjeu qu'il y a en ce moment avec les CPE, c'est vraiment que le nombre de places n'est pas suffisante. Parce que comme c'est des services de garde de qualité, donc qui suivent des programmes éducatifs qui sont régis par le gouvernement, ils sont très populaires parce qu'ils sont aussi à faible coût. Et malheureusement, en ce moment, on n'a pas une garantie de place par enfant. Donc, il y a des enfants qui n'ont pas de place. Et oui, il y a aussi des places subventionnées, il y a des milieux familiaux, il y a toutes sortes d'autres manières, d'autres milieux éducatifs. Mais en ce moment, le nombre de places est insuffisant. Ce qui fait en sorte que les enfants qui ont le plus besoin des CPE, ceux qui n'ont pas accès à ces milieux éducatifs-là à faible coût, qui auraient besoin d'un service à faible coût pour y avoir accès, bien, souvent, leur place est déjà prise par des enfants qui viennent de milieux soit plus favorisés ou tout simplement par d'autres enfants qui en auraient besoin également, mais c'est ça, c'est les places, en gros, les places sont insuffisantes. Donc, ce que ça fait, c'est que en ce moment, il y a des enfants qui n'ont pas accès à des services de garde éducatifs de qualité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas retourner sur le milieu du travail parce qu'elles n'ont pas le choix de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, ce qui fait en sorte que ça coupe des revenus dans des familles. Puis ça crée d'autres inégalités sociales de santé. Malheureusement, c'est ça. Ce qu'il nous faudrait, c'est vraiment comme un service éducatif de qualité en petite enfance pour tout le monde. Donc, savoir qu'il y a une place pour chaque enfant qui naît. Mais malheureusement, je pense que ça impliquerait un réinvestissement massif dans le réseau. Puis aussi, de valoriser davantage la profession des éducatrices parce que, c'est ça, on leur demande de faire une job d'éducatrice, donc pas juste de gardiennage, là, donc pas juste de subvenir aux besoins de base, mais vraiment d'éduquer les enfants, de repérer aussi les enfants qui peuvent avoir des difficultés, soit des retards de langage, des retards de développement en général, aussi de au niveau social, d'aider les enfants à développer des comportements prosociaux et tout ça, pour les préparer à l'école, pour qu'ils puissent avoir un meilleur départ dans la vie. C'est super, c'est juste que les salaires, ils n'ont pas suivi. Donc, on leur demande d'aller à l'école pendant 3 ans, d'aller faire une technique au cégep, puis ils ne sont pas payés en fonction, ils ne sont pas payés comme des techniciens, ils sont vraiment payés comme une personne qui n'aurait même pas un DEP en général. Donc, avec des conditions qui ne sont pas faciles parce qu'on a augmenté les quotas, on a diminué aussi le financement au CPE. Donc, ça a impliqué aussi de couper dans leurs heures de préparation, de leur donner des horaires moins avantageux aussi. Donc, tout ça. Donc, je pense que c'est ça. De ce que j'en comprends pour résoudre un peu l'espèce de crise qu'on a, c'est vraiment de créer des places. Puis ça, ça implique de recruter des nouvelles éducatrices. Fait que ça implique de valoriser la profession autant financièrement qu'au niveau des conditions de travail. Puis aussi, c'est ça. Sauf que ça ne se fera pas du jour au lendemain parce que former des gens, ça prend quand même du temps. Puis pour que ça soit attrayant, il faut augmenter les conditions. Donc, on n'est pas exactement là en ce moment, mais en gros, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres questions par rapport à cet enjeu-là? Ben, écoute, j'en ai plein, là. C'est juste comme super intéressant. C'est comme, premièrement, juste le fait que, on parle de, on veut des places dans des CPE, mais comme tu le mentionnes, à la base, tu sais, il faut qu'il y ait des personnes qui fassent cet emploi-là. Oui. Puis là, on est, faut que ce soit des gens qui soient formés, mais aussi, il faut qu'il y ait des gens qui soient intéressés à le faire. Puis, il faut juste qu'il y ait des gens disponibles aussi. Mais il faut qu'il y ait des gens disponibles. Mais ça, je pense qu'il y a des, tu sais. Je pense pas que c'est... Oui, bon, il y a une pénurie de main-d'œuvre, là, je peux comprendre. Mais je pense que si c'est un emploi qui est valorisé, puis que, tu sais, qu'il y a un salaire décent, puis des bonnes conditions de travail, ça pourrait vraiment attirer, tu sais, des éducatrices. T'sais, moi, j'ai travaillé en CPE pendant un certain moment, pendant mes études. Je faisais de l'accompagnement d'enfants à besoins particuliers. Ça, c'est avant que je rentre au doctorat en psychologie. Puis, tu sais, j'ai des collègues qui me disaient, ben quand je suis sortie de l'école, je me suis rendue compte que ma job étudiante de faire du ménage dans des bureaux au centre-ville, des bureaux gouvernementaux, c'était plus payant que ma job qui me demande 3 ans d'école. C'est ça. Puis, tu sais, qui est beaucoup plus difficile parce que je dois gérer un groupe de 8 enfants de 12 à 18 mois, là. C'est ça. Donc, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous savez que juste garder tout le monde en vie, c'est déjà un miracle. C'est vraiment pas facile comme emploi. Donc, c'est ça. C'est des personnes qui font un travail qui est très exigeant, qui peut être très valorisant aussi parce que c'est beau de voir des enfants grandir puis de les accompagner là-dedans. Mais quand t'as pas la reconnaissance professionnelle, c'est vraiment difficile puis c'est pas motivant aussi. Moi, dans les années que j'étais là, il y a eu des coupures, puis j'ai vraiment vu, puis ça, c'est à titre personnel, là, c'est mon expérience à moi, mais j'ai vraiment vu l'effet sur le moral des éducatrices. T'sais. Ça a été vraiment difficile. Puis de voir aussi que, ben c'est ça, on va choisir de couper nos pauses parce qu'on veut pas couper le programme culturel. J'ai vu des femmes faire vraiment des choix très difficiles par rapport à leurs conditions de travail pour justement assurer des soins aux enfants de qualité. Mais c'est ça. C'est assez dommage qu'on ne reconnaisse pas cette expertise-là. T'sais. Ouais, mais j'en parlais avec une couple de mes invités. C'est un thème comme récurrent depuis le début de la pandémie, je pense. Au minimum, on se rend compte qu'il y a des inégalités criantes dans la société. Puis, ouais. Pas vraiment en rapport avec la psychologie sociale, hein, mais on se rend compte qu'il y a de l'argent qui s'en va à des places qu'elle n'a pas besoin d'être à cet endroit-là. On pensera à des milliards qui sont donnés à des compagnies qui sont par la suite vendues à des étrangers. Mm-hmm. Des milliards qui auraient pu être donnés à plein d'endroits. Tout à fait. Oui, oui, mais je te dirais qu'en psychologie communautaire, on s'intéresse à ça justement. T'sais, où va le financement? Après, t'sais, on ne travaille pas sur les paradis fiscaux et compagnie, mais on s'intéresse à quand le gouvernement décide de dire « je vais financer... tel programme comme les CPE pour réduire les inégalités sociales, bien, il y a nous en arrière souvent qui font comme « OK, c'est quoi votre plan pour évaluer les impacts de ce projet-là? C'est quoi votre plan pour vous assurer que l'universalisme proportionné soit respecté? » On va arriver avec nos idées puis on va essayer justement de travailler en équipe avec les ministères pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut implanter, du moins quand ils veulent de nous, hein, comment est-ce qu'on peut implanter, dans le fond, ces programmes-là pour justement réduire le nombre d'inégalités sociales de santé plutôt que de les augmenter. Parce que malheureusement, quand tu crées des programmes puis que ces programmes-là ne sont pas accessibles de manière équitable, c'est-à-dire selon les besoins des gens, ce qui arrive, c'est que les personnes qui en ont le moins besoin vont en profiter en premier, puis les gens qui en ont le plus de besoin n'y auront pas accès. Puis c'est ce qu'on appelle l'effet Mathieu, ce qui veut dire que tu vas aggraver les iniquités plutôt que de les corriger. Donc, quand on dit que c'est ça, l'enfer est pavé de bonnes intentions, nous, en psychologie communautaire, on s'en rend compte parfois. Puis ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on fait, c'est pas bon, mais des fois, c'est de revoir un peu à qui ça s'adresse puis de quelle manière est-ce qu'on on garantit l'accès aussi. Je voulais justement poser la question... Parce que je trouvais ça curieux, tu sais, que c'est quelque chose ça arrive souvent que les gens plus privilégiés profitent des programmes qui sont pour les plus pauvres. Tu l'as nommé, tu as dit l'effet Mathieu. Mm-hmm. Est-ce que tu peux m'en parler un peu de ça? Mais en fait, c'est assez simple de ce que moi, je le connais. C'est vraiment que, dans le fond, quand tu crées mettons, un programme, peu importe c'est quoi, ou ça peut être, quand je dis programme, c'est large, là, ça peut être une, mettons, une subvention pour les familles en difficulté. Tu sais, on a tout le temps des seuils. Tu sais, mettons, on va donner, comme là, récemment, là, si on prend dans l'actualité, le gouvernement a décidé que les familles qui font comme les revenus combinés de moins de 53 000 ou 54 000 $, je ne me souviens plus du chiffre exact, les gens qui font ce revenu-là, en bas de ce revenu-là, c'est des gens qui ont des difficultés socio-économiques ou sont comme moins privilégiés, donc on va leur redonner des sous. Là, ce qu'ils ont fait, qui est bien, c'est qu'on l'a donné à tout le monde. Mais si on se disait, mettons, on a juste, mettons qu'il y aurait genre 1,2 million de personnes accessibles, puis on est comme, bon, on va faire 800 000 places. Fait que pour y avoir accès, inscrivez-vous sur le portail du gouvernement, puis on va vous envoyer vos chèques. Bien, les 800 000 personnes qui vont s'inscrire en premier, généralement, c'est pas les personnes qui en ont le plus besoin, parce que c'est les gens qui vont être capables de, bon, premièrement, être au courant de l'information, c'est pas les personnes les plus isolées socialement, des personnes qui n'auront pas, par exemple, un trouble de santé mentale, qui vont être capables de lire le français, l'anglais, comprendre. Une personne qui est immigrante, par exemple, qui a des difficultés à comprendre le français ou l'anglais pour avoir des difficultés, à savoir qu'elle a accès à ça. Donc, il y a comme plein de facteurs qui font en sorte que les 800 000 personnes sur les 1,2 million qui vont avoir accès à ça, l'idée, c'est de pas dire que c'est des personnes ultra-bourgeoises, genre, c'est pas des riches qui vont se faire passer pour des personnes dans le besoin, mais c'est des personnes qui sont dans le besoin, mais les personnes qui ont le plus de besoins, ben tu vas les laisser de côté. Donc, tu vas recréer une autre inégalité parce que tu vas donner des choses, tu vas donner un revenu ou peu importe. Bon, on parle de 200 $, c'est quand même pas ce qui fait une différence majeure dans la vie de quelqu'un, mais quand même, tu sais, on va donner une aide à, mettons, certaines personnes. Après, ça, c'est fictif. Puis l'autre effet que tu vas avoir beaucoup qu'il faut faire attention, c'est l'effet de seuil. Tu décides qu'il y a une personne qui a des difficultés financières, ça commence à 53 460 $. Fait que ça veut dire que si moi, je fais 53 461 $, ben j'ai pas de difficultés financières. Ben, tu sais, faut penser à le seuil. Parce que les gens qui sont proches du seuil de la pauvreté, ben souvent, ils ont pas accès à beaucoup d'aide. Donc, ils se retrouvent dans des situations où est-ce que ben ils peuvent, au final, avoir autant de difficultés, sinon plus, parce que à cause des effets de seuil, ils se retrouvent à être comme non privilégiés sur plein de mesures d'aide. Parce qu'on va dire, ah, ben toi, tu n'auras pas accès au CPE moins cher parce que tu fais tant. Ouais, mais je fais juste un petit peu plus que la moyenne, tu sais, que ce qu'on me demande. Puis j'ai pas plus accès, tu sais, mes crédits d'impôt famille vont être moins élevés parce que si, parce que ça. Puis finalement, quand tu cumules toutes ces affaires-là, tu te rends compte que les gens qui font juste un petit peu plus, ben finalement, sont désavantagés. Donc l'effet de seuil, c'est de dire, ben pourquoi est-ce qu'on met un effet puis qu'on décide que, comme il y a un cut-off super précis de la pauvreté, ou ça peut être de d'autres choses, tu sais, on le voit des fois dans d'autres domaines, la santé mentale, là, on décide que comme, si c'est un score de temps sur une échelle, t'es dépressif. Si t'as un point de plus, t'es pas dépressif. Puis des fois, c'est comme, ben, ça se peut que la personne, elle ait des difficultés quand même si elle n'arrive pas dans le cadre à fitter complètement. Fait que ça, c'est les effets de seuil qu'on essaie de prévenir. Puis on essaie aussi, quand les gens conceptualisent des programmes sociaux, que ce soit dans le communautaire ou au niveau, c'est ça, ministère, parce que nous, on travaille vraiment avec c'est des gens de tous horizons, là, autant des mouvements sociaux qui vont être vraiment des mouvements qui sont vraiment, comment dire, c'est quoi l'expression? Du mouvement comme vraiment bottom-up, là, donc des gens qui vont se rassembler dans une communauté pour revendiquer des droits, autant des décideurs comme des gouvernements, puis autant des organismes communautaires qui travaillent directement avec certaines populations. Donc, nous, quand on rencontre des gens qui veulent faire des choses pour la société, qui veulent améliorer leur communauté, bien, on essaie d'être là pour les conseiller, pour éviter justement de tomber dans ces écueils-là, qui, en soi, les gens, quand ils tombent là-dedans, c'est pas par mauvaise intention la plupart du temps, c'est juste parce qu'ils se disent, bon, on va calculer c'est quoi la pauvreté, ou on va dire, OK, bien, j'ai tant de place dans mon organisme, bien, je vais fonctionner avec tant de place dans mon quartier, plutôt que, tu sais, de vraiment réfléchir à, OK, tu sais, c'est quoi que ça veut dire pour les personnes qui sont dans les situations les plus vulnérabilisantes, tu sais. Donc, nous, c'est vraiment ces gens-là qu'on en tête, tu sais, à toutes les fois qu'on fait des interventions, toutes les fois qu'on travail, on essaie de penser à aux personnes qui sont dans les situations les plus vulnérabilisantes, puis d'essayer de minimiser, dans le fond, les impacts négatifs sur ces gens-là, puis de maximiser, dans le fond, les impacts positifs qu'on peut avoir auprès de ces gens-là. Puis ça passe en deuxième. Ça passe en premier avant

Mais on sait tout que, tu sais, c'est comme, fais-toi une tisane, respire un peu, hein, puis non, tout va aller bien. Ou des fois, c'est des trucs genre, fais de l'exercice plusieurs fois par semaine, mange bien, dors bien. Ouais, mais c'est parce que je travaille 60 heures semaine, je gagne vraiment pas beaucoup d'argent, j'ai pas le temps de cuisiner, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas les moyens de me payer un traiteur de super bon plat santé. Fait que, tu sais, c'est ça aussi, là, il y a comme plein de facteurs autour qui font en sorte qu'on peut pas toujours adopter des comportements qui sont... les plus bénéfiques pour notre santé. Puis aussi, on a le droit de pas tout le temps adopter des comportements. Je pense que c'est ça. Je pense que de manière dans la globalité, il faut se détacher de la perception comme quoi les individus sont responsables, tu sais, de leur environnement, dans le sens qu'on est partiellement responsable, mais il y a quand même beaucoup de facteurs externes à nous, la classe sociale dans laquelle on est né, notamment, qui vont avoir beaucoup d'effets. Fait que faut penser... faut penser la santé, c'est de manière plus holistique, comme on dit, là. Donc, de penser, c'est vraiment à l'individu dans son entièreté, puis aussi dans son environnement. J'aimerais poser une question peut-être un peu plus à caractère personnel. Je me demandais qu'est-ce que t'as attiré, toi, à cette discipline-là? Ben oui, moi, dans le fond, je suis allée au bac en psycho parce que je travaillais, dans le fond, avec des enfants à besoins particuliers. J'aimais beaucoup mon travail. J'aimais la relation d'aide. J'ai étudié, dans le fond, moi, en biologie avant. Puis j'aimais beaucoup la recherche aussi. Fait que je m'étais dit, bon, j'aime la bio, j'aime le vivant, mais je m'ennuie un peu en biologie de la relation d'être. Fait que je vais aller en psycho. Ça me semble comme être à mi-chemin entre les deux. Puis au bac en psycho, ben je trouvais ça vraiment intéressant, tu sais, la psychologie plus clinique traditionnelle, tu sais, donc d'apprendre comment accompagner des gens, tu sais, à traverser des moments difficiles, comment accompagner des gens qui cherchent à s'épanouir sur le plan de la santé mentale, comment aider des gens à réduire leur souffrance, tout ça. Mais ce que je trouvais plate, c'est que justement, souvent, on est limité comme clinicien parce que, oui, tu peux outiller une personne autant que tu veux, tu peux l'accompagner. Puis je pense que la psychothérapie, c'est une super belle ressource, mais elle a des limites. On dirait que, tu sais, c'est pas normal que la plupart des gens que je connaisse aient eu un épisode dépressif ou fassent de l'anxiété ou, tu sais, comme tellement de gens qui souffrent de problèmes de santé mentale, puis j'ai l'impression que, tu sais, il y a des causes vraiment plus évidentes que ça. Puis il y avait comme cet aspect-là. Puis dans notre cursus à l'UQAM, on fait un cours en psychologie communautaire. Puis c'est là que j'ai découvert un petit peu plus l'approche. Puis j'ai trouvé ça super intéressant. Mais encore là, tu sais, les profs qui nous le donnaient, eux, ils nous ont parlé plus de manière générale, évidemment. Moi, à cette époque-là, dans le fond, je travaillais dans un organisme communautaire. Puis on avait à l'époque, je travaillais dans un programme de soutien parental, dans le fond, dans un objectif de réduction de la négligence-maltraitance, mais aussi, tu sais, juste d'aider des parents qui étaient dans le besoin en périnatalité. Puis c'est là que j'ai su qu'il y avait un programme gouvernemental qui faisait la même chose. Puis c'est là que j'ai vu aussi que, bon, j'ai vu un peu comme les failles du programme gouvernemental, puis j'ai aussi compris comme c'est quoi la réalité de comme vouloir réduire les inégalités sociales de santé. Puis, j'ai trouvé un directeur qui s'intéressait à ces programmes-là en France puis au Québec. C'est ça qui m'a amenée à décider de faire ma thèse en psychologie communautaire. C'est vraiment comme... mais tous mes intérêts convergeaient vraiment en psychocom. Puis pour moi, ça avait comme pas de sens d'aller étudier autre chose, tu sais. Puis souvent, c'est ça. Parce que c'est quand même des gros projets, c'est des grosses thèses en psychocom. Souvent, c'est des gens vraiment motivés qui ont quelque chose sur leur temps à cœur puis qui ont envie de comme aller faire une différence. Tu sais, faire une thèse qui se ramassera pas ses tablettes. Pas que toutes les thèses se ramasseront des tablettes, là, mais particulièrement parce que, comme on réfléchit d'avance à comme l'impact pour c'est ça, pas de nos projets dans nos environnements, puis on essaie vraiment aussi de le co-construire avec les personnes qui sont touchées, puis ça, c'est vraiment une particularité qui est intéressante aussi, tu sais. Ouais, t'as vraiment l'aspect psychologie, savoir comment une personne réagit, qu'est-ce qui construit la personnalité de quelqu'un, mais t'as aussi un aspect qui est comme recherche pratiquement anthropologique. Ben, il y a vraiment des similitudes, t'sais, la psychologie communautaire, comme je disais, c'est un amalgame de plein d'autres disciplines. Fait que, tu sais, oui, il y a de l'anthropologie là-dedans, il y a de la psychologie sociale, il y a, tu sais, c'est ça, comme je disais, aussi des études féministes, parce qu'on va s'intéresser, par exemple, au rôle du genre. Donc, oui, c'est ça, on va mélanger tout ça. Puis on va piger aussi sur le plan théorique dans toutes ces approches-là pour vraiment essayer, tu sais, de développer des méthodologies qui nous permettent de répondre à nos questions. Ces interrogations-là qui souvent émergent plus du terrain, beaucoup moins sur... Tu sais, il y en a sur le plan théorique, là, bien sûr, mais c'est ça, souvent, c'est, ça va émerger d'une préoccupation plus dans la vie réelle, dans la réalité des intervenants, des personnes qui vivent avec une certaine problématique ou qui vivent une certaine situation, qui vont nous interpeller puis qui vont être comme « Hey, ça, je me pose des questions là-dessus. » Puis nous, on va partir de là avec eux puis on va les accompagner dans ce processus de réflexion-là. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. Tu sais, c'est que tu es vraiment... Moi, ce que j'adore de cette discipline-là, c'est vraiment que c'est concret. Moi, j'avais besoin de quelque chose de comme ancré dans la réalité, dans... Tu sais, c'est ça, dans... Pas dans un labo où est-ce que, tu sais, c'est ça. Des fois, puis j'admire aussi mes collègues en neuropsy qui font des trucs, tu sais, en laboratoire, dans des environnements super contrôlés. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est comme, bien, quand tu prends ces idées-là puis que tu les importes dans la vraie vie, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas? Comment ça se passe, tout ça? Puis moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup allumée avec la psychologie communautaire. Mais ça complique les choses, je veux pas, mais ça complique les choses d'une belle manière. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'aspect révélateur, comme révéler certaines structures de la société. Mm. Des affaires qui ne sont pas nécessairement visibles quand on regarde les affaires, mais la psychologie communautaire va essayer de regarder la relation des personnes entre eux et, admettons, les instances gouvernementales ou l'environnement ou le milieu dans lequel ils vivent. Exactement, mais on va vraiment réfléchir, c'est ça, comme le terme qu'on utilise, là, qui est des fois un peu galvaudé, malheureusement, c'est perspective holistique de la santé. Donc, vraiment, de voir l'interaction entre l'ensemble des différents systèmes, ou des fois, on entend perspective écologique aussi, là, mais donc, vraiment, d'aller regarder au niveau de, tu sais, c'est ça, c'est quoi tous les systèmes qui interagissent sur une personne, évidemment. On ne peut jamais aller comme tout identifier là, parce que c'est beaucoup trop complexe, mais on va essayer de prendre en considération la majorité des éléments qu'on peut. Comme ça, quand on parle d'une problématique, ben, on veut un portrait qui dépasse l'individu et son environnement immédiat comme sa famille et tout ça. On va aller un petit peu plus loin que ça. Parce que souvent, si les problèmes continuent dans le milieu immédiat, dans les institutions, dans les écoles, dans le quartier, bien, si tu veux régler le problème, tu ne peux pas juste te tourner vers la personne. Il faut que tu regardes aussi ce qui se passe autour. T'sais. Moi, j'aime bien gros ça, moi, holistique, là, holisme. Là, j'aime bien ce mot-là. J'y pense souvent, en fait. Ouais, ben j'ai fait une mini-entrevue avec un de mes amis, puis en pré-entrevue, on parlait de l'autonomie agroalimentaire, puis c'était le... Un système holistique, il faut que tu penses à tout comment ça s'est structuré dans un bloc. Tu peux pas juste penser à l'abattage comme tout seul. Il faut que tu penses à comment tu nourris ces animaux-là, comment tu les amènes dans quelque part, les normes, etc. Fait que j'y réfléchis beaucoup récemment. Puis c'est j'aime juste ça. Je trouve que c'est un beau mot aussi. Oui, c'est un beau mot. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Sauf que, tu sais, malheureusement, en termes de santé mentale, souvent, on finit par se rendre à la conclusion que le capitalisme, ce n'est pas une bonne chose. Parce que quand tu remontes jusqu'en haut, ben c'est vraiment comme le système économique et social. Puis c'est ça, c'est le système capitaliste. Mais c'est ça, je pense que quand on parle de problématiques complexes, comme la santé, puisque la santé, c'est complexe, c'est multifactoriel, on n'a pas le choix d'avoir cette perspective-là. Surtout quand on parle de santé mentale, puis même pour plein de problèmes de santé physique, il faut vraiment réfléchir c'est ça, de manière plus globale. C'est un exercice qui est aussi plus compliqué, parce que ce serait plus facile si on pouvait juste dire « t'es anxieux, c'est parce que tes neurotransmetteurs ne fonctionnent pas, voilà une pilule, puis maintenant tout va bien ». Ce serait super si les choses étaient aussi simples. Malheureusement, c'est pas la réalité, mais c'est ça. Es-tu familière avec le texte « Capitalist Realism » De qui? Mark Fisher. Ça me dit quelque chose, mais je peux pas te le citer de mémoire. Ah, c'est juste que c'était ce que tu dis à propos... J'en ai parlé à mon émission quelques fois dans son texte. Mark Fisher, qui c'est un dude universitaire qui étudie comme le marxisme, des affaires de même. Puis, tu sais, des affaires de même. Là. On les aime, eux autres. Puis, essentiellement, il dit que, entre autres, la thèse de capitalist realism, c'est que le capitalisme ne peut pas entrevoir de sortie de son propre système. Mm-hmm. Et que ce qui fait en sorte que quand quelqu'un a justement une dépression ou quand quelqu'un fait de l'anxiété, tu peux dire que c'est les neurotransmetteurs qui font ça, c'est pas penser à la racine du problème. Mm. Tu donnes à quelqu'un une pilule pour qu'il retourne dans justement cet environnement-là qui lui est délétère, en bout de ligne. C'est une partie de la thèse. Oui, effectivement. Après, tu sais, c'est ça, c'est toujours aussi... Comment dire? C'est toujours plus complexe qu'il n'y a pas une réponse. C'est jamais 100% l'environnement, c'est jamais 100% ta génétique. C'est toujours une interaction entre les deux parce que, bien que effectivement, je pense que l'environnement a comme énormément d'influence sur qui on est, sur notre santé, sur notre bien-être et tout ça. Il y a quand même, tu sais, des fois des filons génétiques, on le sait par rapport à certaines maladies comme le cancer du sein, par exemple. On sait que, bon, si t'as certains gènes, certaines versions de certains gènes, les gènes BRCA, t'as beaucoup plus, tu sais, t'as un pourcentage vraiment significativement plus élevé d'avoir certaines problématiques, de développer certains cancers féminins au courant de ta vie. Je pense qu'en santé mentale, c'est peut-être moins clair, mais il y a quand même, tu sais, on le voit génétiquement, peut-être certaines réponses qu'on peut aller chercher là. Puis, l'idée, c'est pas de dire qu'il ne faut pas chercher au niveau des neurotransmetteurs. L'idée, c'est que la réponse, ça ne sera jamais complète. Ça prend des gens en neuropsychologie, en pharmacologie, qui vont comme voir c'est quoi les effets sur les neurotransmetteurs. Est-ce qu'on peut aider les gens qui en ont besoin à travers, des fois, ça peut être de la médication, de la psychothérapie. C'est quoi qu'on peut faire à ce niveau-là? Mais aussi, ça prend des gens en psychologie communautaire qui se posent des questions sur « OK, mais comme... c'est quoi le rôle de l'environnement dans le développement, mettons, de la dépression ou d'autres problématiques de santé mentale, puis comment est-ce qu'on peut, tu sais, prévenir à travers, tu sais, l'environnement. Mais si jamais des auditeurs qui ça les intéresse, moi, il y a le professeur Marcelo Otero qui est au département de sociologie de l'UQAM qui a fait plusieurs textes sur notamment la dépression puis le rôle de la société et du capitalisme. Et c'est ça, notamment aussi sur la prescription d'antidépresseurs. C'est super intéressant, c'est comme hyper critique, mais tu sais, d'une manière, c'est ça qui est pas... Pour moi, ça, c'est jamais de rejeter tout d'un bloc, mais plutôt d'accepter que t'auras pas une réponse simple à des problématiques complexes. Donc, c'est ça, tu peux pas juste dire c'est l'environnement, parce qu'il y a des gens que tu peux le mettre dans le même environnement, puis il y a des gens qui vont développer quand même certaines problématiques de santé physique, mentale, tout ça, parce que, ben des fois, c'est ça, c'est l'interaction. Si tu avais une génétique qui était moins favorisée, puis tu as des gens que tu peux mettre dans des situations vraiment d'extrême. Tu peux leur mettre tous les facteurs de risque que tu veux sur les épaules, puis on sait pas exactement pourquoi, mais eux, ils vont bien s'en sortir, tu sais. Puis c'est ça. Puis c'est pas la responsabilité, c'est pas leur faute. C'est pas la faute des gens s'ils s'en sortent ou s'ils s'en sortent pas. Il faut les soutenir dans tous les cas, peu importe leurs besoins, mais c'est ça. Pour moi, c'est vraiment... tu peux pas t'attendre à avoir une réponse simple à des problèmes complexes. C'est ce que j'essaie de me répéter. Qu'en est-il de l'activisme? Tu l'as mentionné, les psychologues sociaux, le communautaire, les psychologues communautaires, ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement de faire de l'activisme, mais il y a des racines profondes d'activisme dans la discipline. Il tire une partie de la respiration. Tu me l'as mentionné au début, oui. Avant qu'on enregistre, dans le féminisme, dans les mouvements antiraciaux. Ouais. Antiraciste. Antiraciste, oui. Tout à fait. L'activisme, c'est une chose qu'on peut faire. Après, comme je disais, la psychologie communautaire, c'est vaste. Il y a plusieurs... C'est une sous-discipline, mais ça se divise en plusieurs branches aussi. Il y a différentes choses qu'on peut faire. Il y a différents rôles qu'on peut porter aussi. C'est sûr que, moi, ma posture, c'est plus... la posture que moi, j'ai choisi d'adopter, c'est peut-être plus de travailler avec les organismes, avec les décideurs, plus dans l'ombre, si on veut, comme consultante ou pas qu'on se cache quoi que ce soit, mais plus de travailler main dans la main avec les gens qui, eux, vont être sur... quand on va parler d'un organisme, on va parler du nom de l'organisme, pas du psychologue communautaire qui fait partie de l'équipe ou comme... on est moins comme mis de l'avant. Puis c'est pas... C'est bien parfait comme ça, mais on va accompagner, c'est ça. Généralement aussi, on essaie de pas rester... C'est ça, de planifier notre départ dès qu'on arrive à quelque part. C'est-à-dire qu'on essaie de faire en sorte qu'on va transmettre des connaissances, on va accompagner les gens dans leur processus de réflexion, puis on va s'assurer qu'ils sont autonomes par la suite, puis on va se retirer. Après, il y a des gens qui vont développer une expertise plus spécialisée dans un domaine, puis qui vont devenir une référence en la matière, puis qui ça va leur donner un certain rôle d'activiste, pour porter certaines causes. On peut penser à l'UQAM, il y a Brian Michara, qui est un professeur à la section de psychologie communautaire, qui, lui, a dédié sa carrière à la prévention du suicide. Il a été président de l'Association mondiale de prévention du suicide. C'est une des plus grandes références, probablement la plus grande référence mondiale en prévention du suicide. Lui, il a vraiment dédié sa carrière à cette question-là, ce qui fait en sorte que quand les gens ont des questions à ce niveau-là, dans les médias, dans toutes sortes de... dans des milieux aussi, les gens vont contacter son labo, vont le contacter lui directement, ce qui lui donne une certaine... Il n'est pas porte-parole de la cause, on s'entend. Mais ses travaux sont tellement reconnus puis sont tellement importants dans ce domaine-là que il a démontré par la force des choses que le suicide pouvait être... on pouvait le prévenir, pas à 100%, mais on peut réduire les taux de personnes qui se suicident si on met en place certaines mesures. Puis lui, c'est vraiment ça qu'il a réussi à démontrer par ses travaux, ce qui, en soi, on peut dire que c'est un certain activiste parce qu'il a vraiment changé la perspective de certaines personnes qui se disaient le suicide, ça fait partie, c'est une réalité sociale, ça arrive, il y a des gens qui meurent, on peut pas y faire grand-chose. Puis lui est arrivé en disant moi, je suis convaincue que c'est pas vrai. Puis il l'a prouvé à travers toutes sortes de projets, toutes sortes de travaux. Évidemment, il a fait ça sur plusieurs décennies, puis il le fait toujours d'ailleurs, là, puis avec son labo, puis avec des collaborateurs, là, il n'a pas tout fait ça par lui-même, mais il a vraiment pris une cause à part, puis il en a fait comme son cheval de bataille. Tous les psychologues communautaires ne font pas nécessairement, ils vont pas nécessairement prendre ce chemin-là, mais souvent, ils vont avoir quand même des sujets de prédilection, puis oui, ils vont devenir une certaine... ce qu'on pourrait dire, des activistes pour leur cause, mais encore une fois, toujours dans une perspective de travailler en collaboration, puis de ne pas se mettre nécessairement devant. C'est pas nous, les personnes. Nous, on va accompagner les gens, on n'est pas là pour comme prendre les décisions, puis pour leur dire quoi faire non plus. Mais. Quand même, quand tu travailles un peu avec un décideur, t'es à partir des ombres, il y a pas quand même un genre d'activisme soft qui se passe là? Oui. Puis on arrive avec des idées en arrière de la tête. Là, on n'est pas comme... on n'arrive pas là comme avec une position complètement naïve. On y va pour essayer de conscientiser les gens à certains enjeux. Puis, on va aussi essayer de... c'est ça, on arrive avec quand même des présupposés, mais je pense qu'il y a un côté où est-ce que... C'est ça, c'est une autre forme d'activiste que organiser des manifestations. Faire du bruit, après, des gens pourraient le faire, puis ce serait tout à fait approprié aussi, là, mais mettons, c'est moins comme ça qu'on va travailler en général. Nous, on va plus, faire de l'activisme, mais à l'intérieur des organisations ou en accompagnant. C'est ça. Ou des fois, je dirais que c'est même une forme peut-être d'activiste scientifique. Parce que des fois, il y avait un côté où c'était montrer qu'on peut faire des choses. Ça a été quand même... Parce que des fois, c'est ça, sur certaines problématiques complexes, justement, ça peut on peut facilement devenir vraiment négatif, puis de se dire, ben, on peut rien faire, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Puis je trouve que des fois, de montrer qu'on peut faire des choses, de montrer qu'il y a des choses qui sont faites. T'sais, des fois, aussi, on va... Des fois, il y a des organismes qui vont nous poser des questions sur c'est quoi qui se fait ailleurs? T'sais, nous, on est super bons pour faire des recherches. Fait qu'on peut regarder, tu sais, vous voulez travailler sur l'itinérance, vous voulez demander qu'est-ce qui se fait ailleurs. Bien, nous autres, on va aller regarder qu'est-ce qui est disponible dans la littérature scientifique, dans la littérature grise. Puis on va comme essayer de voir avec les gens. Tu sais, on peut leur amener cet aspect-là aussi. Fait que, oui. On dit souvent qu'on est des experts des processus, puis pas des experts des thématiques, t'sais. Est-ce que tu peux m'expliquer juste un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire être expert d'un processus? Bien, c'est qu'on arrive, quand on arrive dans un milieu, tu sais, mettons que moi, tu me dis, OK, tu t'en vas travailler avec l'accueil Bonneau en itinérance. Si on, tu sais, ils se posent des questions sur l'efficacité de leur service d'accueil de jour, par exemple. Moi, j'arrive là, l'itinérance, je connais pas ça. J'ai jamais vécu cette problématique-là personnellement, fait que j'ai pas un point de vue expérientiel. Je peux lire, tu sais, je peux aller me renseigner, évidemment, je vais le faire aussi, là, si on m'appelle, si j'ai un contrat, par exemple. Tu sais, je vais essayer de voir un peu c'est quoi la réalité, mais c'est quoi être itinérant à Montréal? J'ai aucune idée c'est quoi. Tu sais, je connais pas non plus vraiment, tu sais, c'est quoi qu'est-ce que l'organisme fait pour la population? C'est quoi les besoins de la population itinérante en situation d'itinérance à Montréal? J'en ai vraiment aucune idée. Sauf que moi, ce que je connais, c'est des processus pour accompagner des organismes qui voudraient dire, OK, est-ce que c'est efficace, mon intervention? Mais au début, on va peut-être analyser sur le plan théorique. OK, c'est quoi les besoins qu'ils ont identifiés? Comment ils ont été identifiés? OK, c'est quoi les moyens, c'est quoi les objectifs que vous vous donnez? C'est quoi les moyens que vous utilisez? On va les amener à réfléchir là-dessus. On va peut-être, s'ils veulent évaluer, on va peut-être les aider à déterminer. C'est quoi des indicateurs qui pourraient nous montrer que votre intervention, elle est réellement efficace? C'est-à-dire que c'est quoi les indicateurs qui nous montrent que s'il y a des changements, ils sont dus à votre intervention, puis pas juste parce que, ben tout d'un coup, c'est l'été, puis là, tout d'un coup, le monde, ils vont mieux parce qu'il fait moins froid dehors, tu sais, par exemple. Donc, évidemment, ce que je dis, c'est un peu grossier, mais en gros, c'est ça. On va comme les accompagner là-dedans. Après, si on veut, c'est ça, se renseigner sur c'est quoi les autres pratiques qui se font ailleurs dans le monde, ben nous, on peut aller faire une recherche en littérature scientifique, littérature grise. Donc, on peut aussi organiser, tu sais, si on a besoin, je ne sais pas, là, de sonder la population concernée, on peut aller faire ça aussi. Il y a comme vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais en soi, moi, j'arrive, puis ce que j'ai dans mon bac à outils, c'est plein d'outils pour faire plein de choses différentes. Mais j'ai pas nécessairement une expertise du sujet. Puis je reconnais que je l'ai pas, c'est-à-dire que je ne veux pas me placer dans cette position en disant « Bon, vous travaillez avec une population de personnes en situation d'itinérance, ben vous devriez faire ça, puis ça va régler vos... » t'sais. Alors, puis nous aussi, ce qu'on accorde beaucoup, beaucoup d'importance à la réalité de terrain, la réalité aussi de la problématique. Donc, je vais essayer de voir vraiment pas juste qu'est-ce que les experts disent sur le sujet, mais aussi qu'est-ce que les gens qui vivent cette problématique-là ont à dire. Puis ça, bien, ça peut se faire de différentes manières. Ça dépend évidemment de c'est quoi la mission de l'organisme puis comment il atteint ses membres et tout ça. Mais généralement, on va essayer d'impliquer quand même autant que possible, t'sais, les intervenants. On va essayer de rassembler tout le monde autour de certaines questions, t'sais, pour s'assurer d'avoir des points de vue qui soient différenciés puis que les gens qui utilisent les services sont aussi représentés dans les processus de réflexion. Fait qu'il y a comme une grosse partie de recherche puis d'identification quand même. Oui, tout à fait. Mais on aide vraiment, tu sais, les organismes à réfléchir leurs interventions, à des fois, comme si ça, revoir leurs modèles internes, les modèles logiques qu'on appelle d'intervention. On en fait beaucoup. Parce que quand tu effaces une problématique, tu vois plein de choses, tu as plein d'idées, tu as comme des moyens aussi qui vont être limités par les subventions que tu as, juste le nombre d'employés que tu vas avoir. Et donc, des fois, tout ça vient faire en sorte que ça devient un peu... Tu pars avec une intervention, puis tu peux perdre de vue un peu c'était quoi exactement l'idée au début. Puis des fois, tu le sais encore, mais ce que tu fais, quand tu prends le temps de t'arrêter puis de réfléchir, tu te rends compte que c'est pas nécessairement une adéquation à 100% avec l'objectif que tu avais au départ. Tu sais. Puis, ben c'est ça, nous, on intervient souvent dans ces moments-là parce que c'est des organismes qui veulent justement s'assurer de donner le meilleur service possible, de répondre le plus possible aux besoins avec les moyens qu'ils ont, puis qui vont se poser des questions, savoir c'est ça, est-ce que ce qu'on fait, c'est la meilleure chose? Est-ce que notre intervention a du sens? Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Ce genre de questionnement-là. Je parlais d'activisme tantôt, je posais la question, j'y reviens encore un peu en fin d'entrevue, juste parce qu'il y a quelque chose qui m'a accroché beaucoup au début quand tu as parlé d'universalisme proportionné. Oui. Proportionné. Et ça me semble être une position philosophique d'emblée. Oui. Donc, la psychologie communautaire, ça n'existe pas dans le vide, ça cherche à... Il y a comme une position idéologique aussi ici. Oui et non. Pour moi, oui. Là, dans ma tête, à moi, ça a du sens. Mais je pense que j'ai des collègues qui seraient pas... Peut-être pas aussi définitifs. On n'a pas une position que je qualifierais de philosophique. Mais, tu sais, ce qui nous rassemble, c'est vraiment la notion de ce qu'on appelle la justice sociale. Ce qu'on cherche vraiment, c'est comme développer le pouvoir d'agir des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité. Éliminer complètement les inéquités sociales de santé. Mais les moyens, puis la manière dont on s'y prend... La réflexion aussi qu'on a pour ce qu'on juge qui sont des bons ou des mauvais moyens, ça peut vraiment varier d'une personne à l'autre. Tu sais, en psychologie communautaire, on dit souvent qu'on agit avec nos valeurs. Nos valeurs sont centrales à notre pratique. On l'assume aussi là, quand on arrive à quelque part. Tu sais, moi, mettons, j'ai une valeur de justice sociale super forte. Ça va teinter la manière dont je vais... réaliser mes interventions, ça va teinter la manière dont je travaille, qui j'ai en tête quand je réalise des interventions aussi auprès d'organismes, c'est quand je travaille avec eux. Mais c'est ça, ça va varier légèrement d'une personne à l'autre. C'est ça, il y a des programmes, par exemple, de prévention de plein de problématiques qui vont être basés sur l'individu parce que c'est un outil parmi tant d'autres. Puis il y a d'autres chercheurs qui, pour eux, verront pas nécessairement auront pas, mettons, l'intérêt de s'investir à développer des programmes individuels parce que pour eux, c'est comme, les problématiques dépassent largement ça. J'ai pas, c'est ça, pour moi, je vois pas nécessairement l'intérêt de faire ce type d'intervention-là. Puis c'est ça, au niveau de la section, par exemple, on a Janie Hull, qui est professeure, qui a travaillé notamment sur... des outils d'aide pour les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Le nom m'échappe, mais c'est des ateliers d'autogestion en santé mentale qui sont offerts, dans le fond, qui ont été bâtis à partir de l'expérience de personnes qui se sont remis de problématiques de santé mentale, qui ont comme donné des trucs, puis ça a été compilé, puis c'est donné pour que les gens qui traversent ces problématiques-là puissent avoir des choses sur lesquelles se baser, puis une espèce de forme de soutien, de conseil, d'autogestion, comme je disais tantôt. Moi, je trouve que c'est une super belle initiative. Ça a été quand même bien reçu aussi, mais je pense que c'est pas tout le monde qui aurait, mettons, la volonté de faire un truc de ce genre-là. C'est très personnel. Je dirais que tu fais ton chemin aussi professionnellement, puis tu vas prendre des contrats, puis tu vas faire des projets qui te ressemblent, puis qui te parlent plus que tu avances, plus que ce que tu fais, ça te ressemble plus, puis on développe aussi notre expertise d'une certaine manière. Fait qu'après ça, ben, notre touche personnelle, les gens dans les milieux finissent par nous connaître, puis ils vont faire appel à nous quand c'est des contrats qui nous ressemblent. Là, je dis nous, mais moi, je suis dans un laboratoire, donc je travaille au sein du laboratoire Epion, qui est le laboratoire qui est affilié à mon directeur de recherche. Donc, nous, c'est l'équipe Epion, on a quand même notre teinte, les gens nous connaissent, Puis ils font l'appel à nous, c'est ça, basé sur certaines, c'est ça, certaines idées déjà. Puis les autres labos du département, ben ils ont aussi leur teinte, donc ça aussi. Mais la question, c'était philosophiquement parlant, je dirais que c'est ça. On a quand même des... On se ressemble, mais on n'est pas toutes pareilles. Et comment on fait pour savoir que les choses qui sont faites donnent des résultats positifs? J'imagine qu'il y a des cas de figure aussi qui démontrent que les choses fonctionnent. Ben c'est ça qui est intéressant. Là, on tombe dans plus comme l'évaluation, qui est, moi, comme quelque chose qui m'intéresse énormément. Et moi, ma thèse, d'ailleurs, ça porte sur, c'est basé sur ce qu'on appelle l'évaluation réaliste. Ben, tu sais, pour comprendre comment un changement s'effectue, il faut comprendre, dans le fond, ce qu'on appelle la mécanique, contexte. Mon Dieu, je vais reprendre ça parce que je suis censée vraiment savoir ça. Ça m'échappe, mais c'est parce que je le lis tout le temps en anglais. Fait que là, je suis mélangée. Contexte, mécanisme, effet. Donc, dans le fond, pour comprendre si quelque chose fonctionne, il faut comprendre ce qu'on appelle la mécanique contexte, mécanisme, CME, contexte, mécanisme, effet. Donc, si on vulgarise vraiment au maximum, c'est que pour qu'un changement s'opère, il faut qu'il y ait un moyen qui soit déployé, donc dans un certain contexte, puis que, dans le fond, le contexte s'aligne avec la mécanique, permette à ce que la mécanique opère, puis cette mécanique-là va créer un changement chez la personne ou dans le milieu, ou peu importe, tu sais, ce que tu regardes. Et donc, il y a quand même une notion de contexte qui est vraiment importante. Quel exemple je pourrais donner? Bien, tu sais, des fois, on voit ça, puis c'est des simplifications que les gens veulent faire parce qu'ils se disent, mettons, « Ah, j'ai entendu parler au Groenland, ils ont comme une super intervention, tu sais, mettons, en, je sais pas, prévention du suicide. Puis eux, ils font ça comme ça, puis tu sais, c'est je sais pas quoi. » OK, bon, on va le mettre au Québec. Mais tu sais, il va peut-être avoir des différences culturelles. Il va, là, c'est, évidemment, ce que je dis, c'est vraiment... C'est vraiment comme vulgarisé au maximum, là, mais il va y avoir comme plein de contextes autour qui faisaient en sorte que l'intervention elle a fonctionné au Groenland, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher ici. Puis, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas non plus. Mais pour comprendre, il faut vraiment comme... Pour comprendre pourquoi ça fonctionne, il faut vraiment être capable de décortiquer l'intervention. Puis, ça prend des données de contexte. Puis ça, souvent, malheureusement... Des articles scientifiques qui vont mettre une évaluation, ils t'en donneront pas nécessairement, puisque les gens se commencent un peu boring, tu sais, le contexte. Mais pourtant, ça peut être vraiment central puis déterminant dans est-ce que ça va fonctionner ou pas, est-ce que la mécanique va pouvoir s'opérer ou pas. Fait que des fois, tu sais, on voit des choses comme, mettons, un programme qui a été importé, puis là, il a été refait tel quel, puis là, ah, ça marche pas. Bon, mais le programme, il était pas bon. Puis c'est comme, ben, si tu prends, puis il était pas bon, tu sais, tu sais même pas s'il a pu, tu sais, si la mécanique a pu s'opérer. Fait que peut-être que dans le fond, genre, il s'est juste rien passé, puis c'est pour ça qu'il y a rien qui a changé, tu sais. Fait que des fois, tu sais, il faut être capable de réfléchir, mais c'est sûr que c'est complexe de faire des évaluations réalistes, puis c'est coûteux. Puis c'est un choix qu'on peut, tu sais, qu'on n'a pas toujours, malheureusement. Je pense notamment aux organismes communautaires qui voudraient là, faire des évaluations super complètes puis super poussées, mais qui n'ont juste pas les moyens puis qui n'ont pas le temps. Puis c'est pas par paresse ou parce qu'ils ne trouvent pas ça important, mais c'est vraiment juste parce qu'ils sont pas en mesure de le faire. Mais par contre, des fois, tu te dis, si tu veux importer un programme ou si tu veux développer un programme puis tu veux tu veux qu'il soit déployé à travers le Québec, ben, peut-être faudrait prendre le temps, tu sais, de s'installer puis de réfléchir. Ou une fois que, tu sais, des fois, bon, on le fait un peu à l'envers, là, une fois que ça roule, c'est de dire, OK, ça roule, ça a l'air de... Les choses ont l'air de bouger, mais comme, posons-nous la question sur c'est quel morceau de notre intervention aussi. Parce que des fois, tu sais, c'est ça, souvent, les programmes, ils vont avoir plein de volets, ils vont avoir plein de choses qui sont faites, c'est super, mais tu sais, qu'est-ce qui est responsable de quel changement? Ça peut être compliqué. Sur l'ensemble, tu sais... Mais évidemment, plus qu'il y a d'éléments, plus qu'il y a de facteurs, plus que ça devient des modèles compliqués à évaluer, compliqués aussi à mettre en place. Fait que c'est ça. Mais moi, je trouve ça super intéressant, là, mais c'est vraiment comme C'est ça. Moi, c'est ce que je fais c'est dans pointilleux. La vie. Tu parles quand même beaucoup d'enjeux qui sont assez importants, relativement lourds. Y a-t-il une manière pour toi de rester équilibré en termes de santé mentale? Oui, je pense que c'est vraiment important dans des moments où est-ce qu'on n'est pas constamment en train de parler, de penser à la souffrance, même si c'est inhérent à mon métier de psychologue. Futur métier de psychologue, je devrais dire. Je ne vais pas me faire poursuivre par mon autre professionnel. Je suis encore étudiante. Mais oui, moi, entre autres, j'anime une émission ici sur les ondes de CISM. Ça s'appelle « L'heure de la playlist ». Je l'anime avec une de mes amies, Émilie Chamberlain, pour ne pas la nommer. Et nous, dans le fond, on reçoit des artistes visuels, puis on monte avec eux un univers musical qui est inspiré de leurs œuvres. Puis on les reçoit, dans le fond, on leur pose des questions sur leur processus créatif. Donc, on est complètement ailleurs par rapport à ce que je fais dans la vie. Mais parler d'art, puis découvrir des artistes musicaux, puis me plonger là-dedans, c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien. Puis sinon, ben moi, j'ai deux chats, fait que zoothérapie à tous les jours, si possible. Ben en fait, c'est très possible dans mon cas. Puis ben sinon, ben mes amis, ma famille, mon copain, là, les choses qui me tiennent en santé. L'exercice et tout ça. Toutes les bonnes affaires qu'on est censé faire, j'essaie de les faire. Des fois, je réussis pas, mais autant que possible. Ben, c'est des bonnes choses, ça. Ça me fait penser d'être reconnaissant envers les bonnes choses de la vie. Ouais, ce qu'on a, faut en profiter puis faut se compter chanceux. Ben, merci beaucoup, Judith. C'était bien le fun. Merci beaucoup à toi.